Deutéronome chapitre 13, s'il s'élève au milieu de toi un prophète ou un songeur de songe, qui fasse devant toi quelque signe ou miracle, et que ce signe ou ce miracle dont il t'aura parlé, arrive, s'il te dit, allons après d'autres dieux que tu n'as point connus, et les servons. Tu n'écouteras point les paroles de ce prophète, ni de ce songeur de songe, car l'Éternel votre Dieu vous éprouve, pour savoir si vous aimez l'Éternel, votre Dieu de tout votre cœur et de toute votre âme. Vous marcherez après l'Éternel votre Dieu, vous le craindrez, vous garderez ses commandements, vous obéirez à sa voix, vous le servirez, et vous vous attacherez à lui. Mais on fera mourir ce prophète-là ou ce songeur de songe, parce qu'il a parlé de révolte contre l'Éternel votre Dieu, qui vous a tiré hors du pays d'Égypte, et vous a racheté de la maison de servitude, pour vous faire sortir de la voie que l'Éternel, votre Dieu vous a prescrite, afin que vous y marchiez, ainsi tu extermineras le méchant du milieu de toi. Quand ton frère, fils de ta mère, ou ton fils, ou ta fille, ou ta femme bien-aimée, ou ton intime ami, qui t'est comme ton âme, t'incitera, en te disant en secret, allons, et servons d'autres dieux, que tu n'as point connus, ni tes pères, d'entre les dieux des peuples qui sont autour de vous, soit près ou loin de toi, depuis un bout de la terre jusqu'à l'autre, n'aie point de complaisance pour lui, ne l'écoute point. Que ton œil ne l'épargne point, ne lui fais point de grâce, et ne le cache point. Mais tu ne manqueras point de le faire mourir, ta main sera la première sur lui pour le mettre à mort, et ensuite la main de tout le peuple. Et tu l'assommeras de pierre, et il mourra, parce qu'il a cherché, de t'éloigner de l'Éternel ton Dieu, qui t'a tiré hors du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Afin que tout Israël l'entende, et qu'il craigne, et qu'on ne fasse plus une si méchante action au milieu de toi. Quand tu entendras que dans l'une de tes villes que l'Éternel, ton Dieu te donne pour y habiter, on dira, quelques méchants garnements sont sortis du milieu de toi, qui ont incité les habitants de leur ville, en disant, allons et servons d'autres dieux, que vous n'avez point connus. Alors tu chercheras, tu t'informeras, tu t'enquerras soigneusement, et si tu trouves que ce qu'on a dit, soit véritable et certain, et qu'une telle abomination, ait été faite au milieu de toi, tu ne manqueras pas de faire passer les habitants de cette ville au tranchant de l'épée, et tu la détruiras à la façon de l'interdit, avec tout ce qui y sera, faisant passer même ces bêtes au tranchant de l'épée. Et tu assembleras au milieu de sa place tout son butin, et tu brûleras entièrement au feu cette ville et tout son butin, devant l'Éternel ton Dieu, et elle sera à perpétuité un monceau de ruines, sans être jamais rebâtie. Et rien de l'interdit ne demeurera en ta main, afin que l'Éternel se départe de l'ardeur de sa colère, et qu'il te fasse miséricorde, et ait pitié de toi, et qu'il te multiplie, comme il a juré à tes pères. Parce que tu auras obéi à la voix de l'Éternel ton Dieu, pour garder tous ses commandements que je te prescris aujourd'hui, afin que tu fasses ce que l'Éternel, ton Dieu approuve et trouve